بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا الإخوة on continue donc notre cours sur la zakat en abrégé et on était donc au niveau de citer, de cibler les catégories de personnes qui ne doivent pas toucher la zakat, à qui il est interdit de prendre la zakat et à qui on ne doit pas donc verser la zakat. Et on a cité donc dans le cours précédent al-kuffar wal-mushrikoun, les mécréants et les associateurs. Et on a cité aussi les mécréants et les polythéistes. Et on a cité aussi donc Al-Muhammad, donc Banu Hashim, qui est la famille donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et son clan. Donc comme troisième catégorie, il y a les esclaves affranchis de Banu Hashim. Comme troisième catégorie de ceux qui n'ont pas droit à la zakat, il y a donc les esclaves affranchis de Banu Hashim. Maula Banu Hashim. Donc Maula Bani Hashim. Maula Bani Hashim, donc c'est toute personne affranchie par un membre de du clan ou de la famille du clan Banu Hashim, donc qui sont la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout esclave affranchi par un membre de ce clan, de cette famille, donc les gens de science ont divergé sur cette question, mais l'avis le plus juste est qu'ils suivent le même jugement que Banu Hashim, et donc ils n'ont pas le droit de prendre la zakat. Ils n'ont pas le droit donc de recevoir la zakat. Ceci est prouvé par le hadith de Abu Rafi' radiallahu anhu dans Sunan al-Nasa'i, dans lequel il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a employé un homme de Bani Makhzoum. Il a employé un homme de Bani Makhzoum pour la zakat. Et donc, Abu Rafi' qui était un esclave affranchi de Banu Hashim, a voulu suivre cet homme pour travailler avec lui pour la collecte de la zakat. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Inna sadaqata la tahillu lana wa inna mawla al-qawm minhum. Inna sadaqata la tahillu lana wa inna mawla al-qawm minhum. Donc il lui a dit: certes la zakat ne nous est pas licite, et l'esclave affranchi d'une communauté fait partie d'eux. La zakat ne nous est pas licite et l'esclave affranchi d'une communauté fait partie d'eux. Donc, le hadith est dans Sunan al-Nasa'i et il a été authentifié par l'imam al-Albani dans Sahih al-Nasa'i, rahimahumullah. Donc, comme la zakat n'est pas licite pour eux, il leur est donc interdit d'être employé pour la collecte de la zakat et sa distribution. Car s'ils sont employés pour la collecte de la zakat ou sa distribution, ils devront donc être rémunérés. Ils devront être rémunérés avec l'argent de la zakat. Donc c'est pour ça qu'il leur est donc interdit de travailler pour la collecte et la distribution de la zakat. donc que ce soit la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que ce soit donc ceux qui sont leurs esclaves affranchis. Et ce hadith donc est une autre preuve montrant le caractère inclusif, juste et équitable des jugements en islam, et montrant que l'islam est une religion où on n'exclut pas les gens et on ne les met pas à l'écart et on ne fait pas des citoyens de seconde zone. On ne fait pas d'eux donc des citoyens de seconde zone à cause de leur couleur de peau, de leurs origines ou autres. Et si cela est fait quelque part dans les jugements du Kitab et de la Sunna, ce n'est que sur une base religieuse uniquement. Si des gens sont mis à l'écart, ce n'est que si les gens sont mis à l'écart, exclus, ou bien voilà, les gens sont ostracisés, ce n'est que sur une base religieuse, ce n'est que sur une base religieuse uniquement. Et donc, l'esclave affranchi d'une famille est considéré comme faisant partie de cette famille. L'esclave affranchi d'une famille est considéré comme faisant partie de cette famille. Et il a même le droit. Certains savants ont rapporté que même il a été cité de certains savants que même ses maîtres héritent de lui. Les maîtres de l'esclave affranchi héritent de lui. Mais il y a divergence sur le fait que celui-ci hérite de ses maîtres. Il y a divergence sur le fait que celui-ci hérite de ses maîtres, et certains savants ont été de cet avis. Ils ont été de l'avis qu'il hérite si on ne trouve pas, à condition qu'on ne trouve pas d'héritier. Donc l'esclave affranchi hérite de son maître si jamais on ne trouve pas d'autres héritiers. Donc, on voit donc ici que ne peut comparer l'esclavage en islam à la traite négrière que quelqu'un qui est complètement ignorant de l'islam et de ses règles, ou bien quelqu'un dont l'objectif est juste de dénigrer par haine, par rage et loin de toute objectivité. Maintenant, quatrième catégorie, donc de ceux à qui on ne verse pas la zakat, donc l'esclave. L'esclave, on ne lui verse pas la zakat car ses biens et car lui-même et ses biens appartiennent à son maître. Lui-même et ses biens appartiennent à son maître, comme on l'a déjà signalé précédemment. Et donc, si on lui verse la zakat, c'est comme si on verser la zakat à son maître. Et toutes les dépenses nécessaires pour subvenir aux besoins de l'esclave sont à la charge de son maître. En islam, toutes les dépenses nécessaires pour subvenir aux besoins de l'esclave sont à la charge de son maître. Et donc, si on lui versait la zakat, c'est comme si on allégeait à son maître. On allégeait son maître de cette charge. Donc, si on versait la zakat à l'esclave, c'est comme si on allégeait son maître de cette charge qui lui revient de, par exemple, nourrir, vêtir et prendre soin de son esclave. Et ceci ne fait pas partie des objectifs de la zakat. Donc, c'est pour ça donc qu'il n'est pas permis de verser la zakat à l'esclave. Il n'est pas permis de verser la zakat à l'esclave. Donc, on peut seulement verser la zakat à son maître pour l'affranchir. C'est le seul cas donc où il peut bénéficier. Il peut bénéficier. On ne lui verse pas la zakat, comme on l'a déjà vu précédemment, on ne lui verse pas la zakat à lui, donc on la verse à son maître pour son affranchissement. Par contre, l'imam Ibn Qudama, Rahimahullah, il voit que Il est permis qu'on emploie l'esclave pour la collecte de la zakat. Il est permis qu'on emploie l'esclave pour la collecte de la zakat. Et dans ce cas, donc, il est autorisé qu'on lui verse la zakat comme salaire. Donc, dans ce cas, il est permis qu'il touche son salaire comme l'homme libre. Donc, il est permis qu'on l'emploie, qu'il soit employé, qu'il soit min al-amilin alayha, employé à la zakat, et donc on lui verse son salaire venant de la zakat, tout comme on verserait le salaire à l'homme libre. Cinquième catégorie de personnes à qui il n'est pas permis de verser la zakat, qui ne sont pas des bénéficiaires de la zakat. Donc, al-ghani ou al-qawi al-muqtasib. Al-ghani ou al-qawi al-muqtasib. Donc, le riche et le fort, le robuste, qui a un moyen de subsistance. Donc, les deux sont dans la même catégorie. Le riche et le fort qui a un moyen de. Le fort, le robuste qui a un moyen de subsistance. Ceci, d'après le hadith d'Ubaydullah ibn Adi, dans lequel il rapporte que deux hommes sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors du pèlerinage d'adieu, pendant qu'il faisait le partage de la zakat, et les deux hommes lui ont demandé une part de cette zakat. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tourné son regard vers eux, il les a regardés, et ensuite, donc il a levé son regard vers eux, et ensuite, il a baissé son regard. Et il a donc vu que ces deux hommes, donc, étaient robustes. Ensuite, il a dit, ensuite, il leur a dit à ces deux hommes, Ida shi'tuma a'taytukuma wa la hadda fiha li ghaniyyin wa la li qawiyyin muqtasib. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après les avoir observés, donc, il leur a dit, si vous voulez, je vous en donne, mais le riche et le fort, le robuste, qui a un moyen de subsistance, n'y ont aucune part. Si vous voulez, je vous en donne. Mais sachez que le riche et le fort, le robuste, qui a un moyen de subsistance, n'y ont aucune part. Donc dans la zakat. Le hadith est rapporté par les imams Ahmed, Abu Daoud et Nasa'i. Et il a été authentifié par les imams Al-Albani et Al-Wadi'i, rahimahumullah. Et donc, le riche ne touche pas la zakat. Le riche ne touche pas la zakat, celui qui a les moyens de subvenir à tous ses besoins. Donc, il n'a pas besoin de la zakat, donc il est interdit qu'on lui verse la zakat, sauf dans les cas donc qu'on a cités précédemment. Sauf dans les cas donc précis qu'on a cités précédemment. Et s'il est lourdement endetté, par exemple, s'il fait partie de ceux dont les cœurs sont à gagner, s'il fait partie des employés de la zakat, si c'est un voyageur en détresse, si c'est un voyageur en détresse, et s'il fait partie des combattants fi sabilillah. Et on a déjà vu, donc on a déjà donné les détails et les précisions sur les cas où, même en étant dans ces situations, il ne bénéficie pas. Même en étant dans ces situations, il ne bénéficie pas. On a déjà précisé ces cas. Comme par exemple pour le voyageur en détresse qui a la capacité de recevoir de l'argent. Voilà, il a la capacité de recevoir de l'argent il est riche, il est en détresse, mais il a la capacité de recevoir de l'argent. Dans ce cas-là, on lui en donne pas de la zakat. On lui en donne pas de la zakat. Et maintenant, il y a un autre cas qui a été cité avec le riche dans ce hadith de Ubaydullah ibn Adi, donc, qu'on vient de citer, c'est celui donc du fort et du robuste. Celui du fort et du robuste, ayant un moyen de subsistance. Le fort et le robuste ayant un moyen de subsistance, on ne lui verse pas la zakat. Il est interdit donc, comme le prouve ce hadith, de lui verser la zakat. La législation islamique, donc, étant parfaite et complète, n'a rien oublié. Et elle a donc voulu ici, elle a donc voulu ici fermer la porte aux paresseux et aux fainéants. Elle a donc voulu fermer la porte ici aux paresseux et aux fainéants, car notre noble religion exhorte à la dignité et à faire des efforts pour obtenir sa subsistance. Et les preuves du kitab et de la sunna à cet effet sont nombreux, sont nombreuses. Les preuves du kitab et de la sunna sont nombreuses à ce propos. Ceci donc parce que Allah Azzawajal, connaissant parfaitement la nature humaine, puisque c'est lui qui nous a créés, c'est lui le créateur des humains, il a donc su que des gens vont se laisser aller à la paresse, comptant donc sur l'argent de la zakat. Et on le voit donc, et on l'a vu à notre époque, dans des pays où les gens, par exemple, ont des allocations de l'État. Hein, on l'a vu dans ce genre de pays où les gens donc touchent des allocations de l'État lorsqu'ils sont au chômage et ne travaillent pas. L'État donc leur verse des droits et des aides et certains donc même certains étant dans ce cas même s'ils ont la possibilité de travailler, même s'ils ont des emplois à leur portée, ils restent donc au chômage. Ils préfèrent rester sans travailler et parce qu'ils savent que ils ont donc l'équivalent d'un salaire qui leur sera versé à la fin du mois ou au début du mois. Donc, ils préfèrent donc rester donc par paresse. Donc, ils préfèrent donc rester au chômage en comptant donc sur les aides de l'État. Et sachant que ces aides de l'État suffisent à subvenir donc à leurs besoins. Donc ils profitent ainsi de cette situation le temps qu'il faut jusqu'à ce qu'ils soient contraints donc d'accepter certaines offres de travail que cela soit, leur soit imposé. Donc à travers ce hadith, à travers ce hadith, on voit donc que l'islam a voulu fermer cette porte pour ce qui concerne la zakat et donc pour ne pas que les paresseux en profitent au détriment de gens qui en ont réellement besoin. Et dans ce hadith, donc, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quand même à ces deux personnes qui sont venus le voir, si vous voulez, je vous en donne. Si vous voulez, je vous en donne ceci, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas avare et il est connu pour son extrême générosité. Et il ne faudrait pas donc que ceux-là pensent que c'est juste parce qu'il ne veut pas leur en donner. Donc, il leur ferme cette porte en leur disant cela, que si vous voulez, je vous en donne. Mais sachez que le jugement par rapport à cela, le jugement par rapport à votre situation, c'est celui-ci. Donc, c'est vous qui, si jamais vous insistez que je vous en donne, c'est vous donc qui prenez la responsabilité de cela. Donc, c'est pour cela que donc il leur a laissé le choix. C'est pour cela donc qu'il a laissé, il leur a laissé le choix. C'est-à-dire que lui, il dégage, il peut leur en donner, mais lui, il dégage sa responsabilité et donc la responsabilité revient sur eux. Donc, il leur laisse le choix. Si vous voulez, je vous en donne quand même. Mais sachez que voilà le jugement par rapport à cela. Et donc, le robuste qui a un moyen de subsistance, on ne lui donne pas de la zakat, même s'il est pauvre. Donc, ici, là, donc, on voit que parmi les fuqara et les masakin qu'on a cités au début du verset, Innamas sadaqat il fuqara wal masakin. Donc, parmi ceux-là, on retire donc, c'est à l'exception donc du qawi al-muhtasib, du robuste, du fort, du robuste qui a un moyen de subsistance. Et il est donc, c'est une condition, donc il faut qu'il remplisse donc les deux conditions qui sont citées dans le hadith, les deux conditions qui sont donc la force, la robustesse, la force, la robustesse et el quwwa wa takassub. Donc la force, la robustesse et donc la force, la robustesse et donc le fait d'avoir un moyen de subsistance. Ça veut dire que celui qui n'est pas fort ou robuste n'est pas concerné par ce hadith. Celui qui n'est pas d'apparence forte et robuste. Donc celui qui n'est pas fort et robuste dans son apparence, donc le chétif par exemple, celui qui a l'air faible, donc il n'est pas concerné donc par ce hadith. Et de même que celui donc la personne peut être fort et robuste, mais il n'a pas de moyen de subsistance, il n'est pas concerné. Ou bien il peut avoir un moyen de subsistance, mais il n'est pas fort. Et il n'est pas robuste, donc il n'est pas concerné. Il faut donc qu'il allie ces deux conditions. Il faut donc qu'il allie ces deux caractéristiques, c'est-à-dire la force et le moyen de subsistance. Donc s'il a un moyen de subsistance, mais il est faible et il n'est pas robuste, on lui donne de la zakat, il en bénéficie. Hein? S'il est fort et robuste, mais il n'a pas de moyen de subsistance, on lui donne de la zakat. On lui donne de la zakat, il en bénéficie. Exemple, par exemple, quelqu'un a un métier, hein, il est fort, il est robuste, et il a un métier, il est plombier, il est maçon, hein, il a un métier, et il est solide et robuste. Et on sait qu'avec ce métier, il est menuisier, des choses comme ça. On sait qu'avec ce métier, il ne peut pas manquer de travail. On sait qu'avec ce métier, par exemple, il ne peut pas manquer de travail. Il a tout le temps des chantiers. Voilà. C'est un exemple que je prends. On sait qu'avec ce, il est fort, il est robuste et avec le métier qu'il a, hein, il a un métier qu'il exerce, qu'il maîtrise et on sait qu'il a tout le temps des chantiers, par exemple, il a tout le temps du travail dans ce domaine-là. Donc, celui-là donc ne bénéficie pas de la zakat. Il lui est interdit de toucher la zakat, de recevoir l'argent de la zakat. Si cette personne vient et demande à toucher l'argent de la zakat quand même, disant qu'il ne travaille pas et qu'il est au chômage et qu'il ne trouve pas de chantier, qu'il n'a rien. Les savants comme l'imam Ibn Baz, il dit que dans ce cas, on lui donne. Et c'est lui qui, C'est lui qui porte la responsabilité. Dans ce cas-là, on lui donne et c'est lui qui porte la responsabilité. On le laisse donc avec sa conscience et son dîne. On le laisse avec sa conscience et son dîne. Parce qu'en islam, on juge les gens par rapport aux apparences et par rapport à ce qu'ils disent. Par rapport aux apparences, par rapport aux indices apparents et par rapport à ce qu'ils nous rapportent et ce qu'ils disent. On va pas aller fouiller, on va pas aller fouiller. On peut se renseigner. Hein, le renseignement, c'est toujours par rapport aux apparences, parce que le renseignement, c'est des gens, ceux qui vont voir d'eux, ceux qui connaissent d'eux, ils vont dire. On peut se renseigner. Voilà. Et si donc, mais il n'est pas permis donc d'espionner quelqu'un, par exemple. Il n'est pas permis d'espionner quelqu'un et de chercher à connaître ses secrets, c'est interdit. Il n'est pas permis de l'épier, de l'espionner. Donc on juge par rapport à ce qui nous apparaît et par rapport à ce qui nous est rapporté. Maintenant, il peut y avoir une situation où quelqu'un, par exemple, il est fort et il a un moyen de subsistance, mais il est fort, il a un moyen de subsistance et mais il est paresseux. Mais cette personne, sa famille est pauvre et ils sont dans le besoin. Quelqu'un, il est fort, il a un moyen de subsistance, mais il est paresseux, il est feignant. Il ne veut pas travailler. Mais donc, sa famille, ils sont pauvres, ils ont moyen de subsistance, ils sont dans le besoin. Dans ce cas, donc, dans ce cas, on recherche donc, dans ce cas, on recherche un moyen de faire parvenir la zakat à sa famille sans passer par lui. Que ce soit par exemple, une sœur qui peut faire parvenir la zakat, l'argent de la zakat, par exemple, à sa femme. Ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est un jugement, donc. C'est un jugement, donc. Qui est donc, comme je l'ai dit, pour fermer la porte à la paresse. C'est pour fermer la porte donc à la paresse, ce jugement qui fait que la zakat interdit donc à la personne qui est qui a un physique solide, qui est fort, solide physiquement, robuste, et qui a un moyen de subsistance, qui a un moyen de subsistance, qui peut facilement donc avoir accès au travail et gagner son pain. Maintenant, le cas où tu donnes de la zakat à quelqu'un et tu t'aperçois et il t'apparaît clairement par la suite que il ne méritait pas et qu'il ne faisait pas partie des bénéficiaires. Est-ce que ta zakat est valide ou pas? Est-ce que donc ta zakat est valide ou pas? Donc quelqu'un, tu as de la zakat, quelqu'un s'est présenté à toi, tu lui as donné la zakat pensant que il faisait partie des bénéficiaires et tu t'aperçois par la suite clairement que il n'en fait pas partie. Est-ce que ta zakat est valide ou pas? La réponse donc est que la zakat est valide. La réponse est que la zakat est valide si tu as fait l'effort de connaître sa situation, si tu as fait l'effort de connaître sa situation et voilà, il faut que tu aies fait l'effort de connaître sa situation. Ta zakat est valide, mais il faut que tu aies fait l'effort de connaître sa situation, c'est-à-dire de te renseigner. Voilà, tu fais ce que tu peux pour vraiment être sûr. Et si tu as fait cet effort-là, après, voilà, il est permis que tu lui verses sa zakat. Si tu t'aperçois par la suite que c'est le contraire, donc ta zakat est valide parce que tu as fait quand même l'effort de savoir. Tu as fait quand même l'effort de savoir. Donc, on ne cherche pas à connaître les secrets des gens, mais on peut se renseigner. On peut se renseigner auprès des gens sur eux. C'est permis. Donc, il faut faire l'effort de s'informer sur la situation de la personne. Et après, s'il nous est rapporté qu'il fait partie des gens qui méritent, on leur donne. Et cher Ibn Taymiyyah, il dit, rahimahullah, que si on a un doute, si on a un doute sur la personne, il nous est permis de lui dire, donc, comme c'est rapporté dans le hadith, il est permis de lui dire, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu veux, je t'en donne, mais sache que le jugement, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Sache que le jugement par rapport à telle, telle situation, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Mais si tu veux, je t'en donne. Donc, c'est pour décharger sa responsabilité. Et si après cela, ils disent, voilà, qu'ils veulent le recevoir, on leur en donne. Et donc, on a déchargé sa responsabilité, la responsabilité sur eux. On a déchargé la responsabilité sur eux. Mais si on n'a pas de doute, si on n'a pas de doute, donc il n'est pas permis de leur dire cela. Hein, il n'est pas permis de leur dire cela parce que ça pourrait, ils pourraient mal le prendre et ça pourrait les affecter. Donc tu vois quelqu'un par exemple, il est pauvre ou il est vraiment dans le besoin, voilà. Et tu lui dis cela ou il est ça t'apparaît clair que voilà, il n'y a pas de doute, tu n'as pas un doute sur cette personne-là, tu lui dis cela, il peut mal le prendre et ça peut l'affecter. Donc, ce hadith donc indique qu'on doit s'informer sur la situation de la personne. C'est à travers le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé le regard vers eux pour bien voir leur apparence. Donc il a levé, c'est ça la preuve, que le prophète a levé le regard vers eux pour bien voir leur apparence et pour analyser lorsqu'ils lui ont demandé. Et c'est donc ce que Cheikh Ibn Taymiyyah dit dans son commentaire de Boulour, que la personne qui doit donner la zakat à quelqu'un se doit de s'enquérir de la situation de la personne à qui il va donner pour savoir si il fait partie de ceux à qui de ceux donc qui s'y fait partie des ayants droit de la zakat et de ceux qui à qui il est permis de la verser. Et voilà, il y a des indices qui s'il y a des indices qui amènent à penser que cette personne ne mérite pas et qui ne fait pas partie des bénéficiaires, là, on ne lui donne pas. S'il y a des indices qui amènent à penser que cette personne ne fait pas partie des bénéficiaires, là, donc, il n'est pas permis de lui en donner. Et donc, c'est surtout même s'il y a des indices amenant à penser que cette personne ne mérite pas, qu'il faut bien se renseigner. S'il y a des indices qui amènent à penser que la personne ne mérite pas la zakat, hein, c'est là où il faut bien s'enquérir de sa situation et bien approfondir le renseignement, bien analyser la situation et bien se renseigner sur cette personne pour voir vraiment si on lui donne ou pas. Donc à ce niveau, donc à la suite de ceci, Cheikh Ibn Taymiyyah, donc à la suite du cas du Qawi al-Muqtasib, du fort, le robuste qui a un moyen de subsistance, Cheikh Ibn Taymiyyah, donc, dans son commentaire de Boulour al-Maram, il a, dans le volume 4, donc en page 597-598, il a donc soulevé la question du talib al-ilm. Il a soulevé la question du talib al-ilm, de l'étudiant en sciences. Cheikh Ibn Taymiyyah dit donc ceci, مسألة هل يعطى طالب العلم من الزكاة؟ الجواب نعم يعطى ولو كان جلدا لأنه لو ذهب يكتسب فإن طالب العلم سينقطع ولهذا قال العلماء إذا تفرغ قادر على التكسب لأجل العلم أعطيه، وإن تفرغ لأجل العبادة فلا يعطى، وإن تفرغ لأجل العبادة فلا يعطى من الزكاة، لأن العبادة نفعها قاصر والعلم متعد، فهو نوع من الجهاد في سبيل الله. Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit donc question. Est-ce qu'on donne à l'étudiant en sciences de la zakat? Réponse oui. Réponse oui, on lui en donne, et même s'il est robuste, car s'il part travailler, la recherche de la science s'arrête. La recherche de la science s'interrompt. Et c'est pour ça que certains savants ont dit que celui qui a un moyen de subsistance et qui le délaisse, l'abandonne pour se consacrer à la science, on lui en donne de la zakat. Et si c'est pour se consacrer à l'adoration, on ne lui donne pas de la zakat, car l'adoration a un profit réduit et restreint, alors que la science, son profit s'étend et est multiple. Il est une sorte de jihad, de combat sur le sentier d'Allah. Fin de citation. Et ici donc, un ishkel, à cause du manque de science et de ma faible compréhension, cette parole de Cheikh Ibn Uthaymeen m'a d'abord posé un problème. Ça m'a d'abord posé un problème parce que j'y ai vu comme une contradiction par rapport à ce qu'il a dit auparavant au niveau de la catégorie de bénéficiaires de la zakat, la fi sabilillah, et dans le sentier d'Allah. Et où il disait donc que ceci ne concernait que le combat dans le sentier d'Allah, et qu'on ne pouvait donc y mettre d'autres actions faites fi sabilillah dedans, car ça ouvrirait la porte à y introduire trop d'actes de bienfaisance qui entrent dans ce sens. Donc, trop d'actes de bienfaisance faits pour Allah Azzawajal qui peuvent être considérés comme fi sabilillah, et qui rentreraient donc dans cette catégorie. Car ceci donc, d'après ce qu'il disait, rendrait caduque l'intérêt d'avoir mis le terme innama, qui indique la restriction au début de ce verset. Innama sadaqatu lil fuqara. Donc au début donc de ce verset sur les bénéficiaires de la zakat, il y a ce terme innama donc qui indique la restriction, et le fait donc d'ajouter comme ça beaucoup d'actions qui rentreraient dans le sens de fi sabilillah, ça annulerait donc l'intérêt d'avoir mis ce terme innama, qui est un terme restrictif. Et je me suis aussi posé la question. Pourquoi Cheikh Ibn Uthaymeen n'a pas évoqué donc ce sujet? Pourquoi il n'a pas abordé cette question? Donc le cas du talib al-ilm. Pourquoi il n'a pas abordé cette question lorsqu'on a parlé du combat dans le sentier d'Allah, lorsqu'on a donc évoqué cette catégorie wa fi sabilillah, qui est donc une cause pour laquelle l'argent de la zakat est dépensé. Et après réflexion et analyse, j'ai compris, walillah ilhamd, J'ai compris donc quelle était la pertinence et l'objectif et la pertinence dans le fait donc de d'attendre d'arriver à ce niveau pour évoquer cela. Et ceci démontre la pédagogie et donc l'intelligence de nos savants dans la manière de transmettre leur science. Donc, en fait, il est plus judicieux d'évoquer le cas de l'étudiant en sciences à ce niveau-ci, parce que lorsqu'on parle des fainéants et des paresseux qui sont visés par le jugement qu'on vient de voir, interdisant la zakat au fort qui a un moyen de subsistance, dans l'imaginaire de beaucoup, le cas des étudiants en sciences va venir. Dans l'imaginaire de beaucoup, le cas des étudiants en sciences va venir. Parce que malheureusement, à notre époque, et ceci même dans les époques précédentes, les gens ne connaissant pas et n'ayant pas conscience de la valeur et de l'importance de la science et de l'importance de l'acquisition de cette science, ils vont donc voir un étudiant robuste et costaud, et ils vont se dire, celui-là, il est robuste, il est costaud, mais il préfère aller s'enfermer dans une mosquée ou une madrasa nuit et jour pour soi-disant la science, alors que il pourra aller travailler. Et donc c'est un paresseux, voilà, c'est un paresseux, un feignant, et donc on ne lui donne pas de la zakat. Voilà, il est robuste, il a des diplômes, il peut aller travailler, il peut aller travailler, il a un métier comme tout le monde, il peut aller travailler. Et donc voilà, c'est un feignant qui préfère rester tranquille à mémoriser le Coran, le Hadith et apprendre les sciences en attendant sa subsistance. Donc les gens pourraient se dire ça. Et beaucoup d'étudiants en sciences à notre époque, voilà, ce sont des propos qu'ils entendent. Ce sont des propos qu'ils entendent. Et beaucoup d'entre eux ont ce genre de problème avec leur famille, qui ne comprennent pas, et donc ils ne comprennent pas comment, voilà, ils leur disent comment tu peux laisser ton travail, ton commerce pour aller te consacrer à la science. Comment tu peux laisser ton travail, ton commerce pour aller te consacrer à la science. Et donc, voilà, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ce genre de réflexion sur les étudiants en sciences. Sur ceux qui décident donc ceux qui décident donc de se consacrer à la science. Donc ils subissent ça, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis des siècles. C'est ainsi que l'imam al-Dahabi rapporte dans son livre Siyar A'lam al-Nubala, il rapporte donc que Ali ibn Harmala al-Taymi, qui était un des élèves de l'imam Abu Hanifa et qui avait peu de moyens, son père est venu le voir pendant qu'il étudiait dans une des assises de Abu Hanifa. Et il lui a dit, mon fils, ne reste pas dans les assises d'Abu Hanifa, toi, tu es quelqu'un qui est dans le besoin. Donc, en gros, ne reste pas là, va travailler, toi tu es dans le besoin. Et cet étudiant, donc, Ali ibn Harmala al-Taymi, il a voulu donc suivre ce que son père lui a dit. Et l'imam Abu Hanifa, s'étant rendu compte de ça, il lui a donné 100 dirhams. Il lui a donné 100 dirhams et il lui a dit, reste régulier dans les assises et ne les délaisse pas. Et si ceci finit, informe-moi. Et donc, quelques jours plus tard, Abu Hanifa lui a encore donné 100 dirhams. Il lui a encore donné 100 dirhams. Pour donc l'empêcher de. Pour lui permettre donc de pouvoir continuer à se consacrer entièrement à la science et ne pas délaisser cela pour aller faire autre chose comme son père lui avait conseillé. Donc, ce problème donc, ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis des siècles. Les étudiants en sciences sont soumis à ceci. Donc, ils sont soumis donc à faire le choix entre se consacrer tout leur temps à la recherche de la science, consacrer tout leur temps à la recherche de la science, ou alors devoir délaisser la recherche de la science pour aller chercher son pain quotidien. Pour aller chercher son pain quotidien. Voilà donc pourquoi l'imam Ibn Uthaymeen a trouvé judicieux d'évoquer la question de l'étudiant en sciences à ce niveau. Et c'est excellent. Voilà donc pourquoi il a jugé judicieux d'évoquer la question de l'étudiant en sciences à ce niveau. Et donc, il a posé la question, est-ce qu'on donne à l'étudiant en sciences de la zakat? Et il répond oui, on lui en donne. Et il argumente. Il argumente. Car s'il s'en va travailler, la recherche de la science s'interrompt. Donc ceci montre que il est compliqué de faire les deux. Quand on veut vraiment atteindre un niveau dans la science, celui qui fait les deux sera forcément limité. Celui qui fait les deux sera forcément limité dans son acquisition de la science. C'est comme pour certaines disciplines sportives aujourd'hui. Par exemple, si tu veux être professionnel, certaines disciplines sportives aujourd'hui, si tu veux être professionnel, tu es obligé d'y consacrer tout ton temps. Tout ton temps. Tu peux pas être pro et être boulanger en même temps. Ça, c'est compliqué. Donc, travailler et puis faire cette discipline sportive lors de son temps libre, ça, c'est pour les amateurs. C'est pour les amateurs. Travailler, aller travailler et puis faire cette discipline lorsqu'on a le temps libre, c'est pour les amateurs. Là, c'est pareil pour la science. Donc, c'est pareil pour la science. Tu ne peux pas devenir un savant ou faire partie des gens ayant atteint le degré de l'ijtihad, les gens enracinés dans la science, ayant atteint le degré d'enracinement dans la science, si tu n'y consacres pas tout ton temps. Si tu n'y consacres pas tout ton temps. C'est très difficile, voire presque impossible. Très difficile et voire presque impossible d'y arriver en ayant une autre activité. Autre argument qu'il cite dans cette parole qui fait que l'étudiant en sciences mérite et a droit à la zakat, c'est que les gens de science, leur science ne leur profite pas qu'à eux. Les gens de science, leur science ne leur profite pas qu'à eux. Elle profite aussi aux musulmans. Elle profite aussi aux musulmans car à travers leur science, ils sont donc les porteurs du din, de la religion. Et ils sont les gardiens de la législation. Ils sont ceux qui orientent les gens vers le bien et la bienfaisance. Et ils les mettent en garde contre le mal et ils leur clarifient donc ce qui peut être confus pour eux parmi les règles et les jugements de la religion. Donc, Les gens de science, l'étudiant en science, peut être rangé dans la catégorie de ceux qui font un travail d'utilité publique qui bénéficie à toute la Ummah, à toute la communauté musulmane. Contrairement donc à celui qui délaisserait la possibilité de travailler pour aller se consacrer à l'adoration d'Allah. Par exemple, qui dirait voilà, qui va faire itikaf pendant 2 mois dans une mosquée pour se consacrer à l'adoration d'Allah, la prière, le jeûne, la lecture du Coran, les adhkar. Celui-ci, c'est dans son intérêt à lui personnel uniquement, parce que ça ne lui profite, ceci ne lui profite, ceci ne lui profite qu'à lui. Alors que la science profite à celui qui l'étudie et qui la recherche, et ça profite aussi à ceux à qui il peut la transmettre. Donc, le profit de la science est multiple. Le profit de la science s'étend et il est multiple. Alors que le profit donc de l'adoration est réduit et restreint à la seule personne qui pratique cette adoration. Alors que le profit de la science, le bénéfice de la science, lui, s'étend à d'autres personnes et il se multiplie et s'étend à d'autres personnes. Dernier argument solide pour lequel l'étudiant en science, la personne de science mérite la zakat, c'est que c'est une forme de djihad dans le sentier d'Allah Azawajal. C'est une forme de djihad dans le sentier d'Allah. Donc le talib al-ilm est considéré comme étant fi sabilillah. Et donc à la base, moi je me disais que c'était une façon de parler, c'était un peu une mujamala, une façon de parler un peu, mais que réellement on ne pouvait pas mettre l'étudiant en sciences au même niveau que le combattant dans le sentier d'Allah. On ne pouvait pas le mettre au même niveau que le vrai combattant dans le sentier d'Allah. C'est ce que je me disais donc, et c'est pour ça, et après recherche et après avoir lu les arguments, j'ai compris pourquoi nos savants et ma chère donc sont de cet avis. Et j'ai compris donc que je m'étais trompé lorsque j'ai remis en cause l'avis de notre cher Abdelhamid, Hafizallah, disant qu'on donne la zakat à l'étudiant en sciences. Et le souci en fait, c'est que notre cher Hafizallah, dans son commentaire de Boulour, il a donné ce jugement dans son commentaire sans argumenter. Il a donné sans argumenter et ceci peut se comprendre parce que Boulour el-Maram, c'est un gros livre qui est très long. C'est généralement les commentaires des savants par rapport à ce livre. C'est sur plusieurs volumes. C'est très long. Et donc, les gens de science essayent souvent de ne pas trop faire long. Donc, lorsqu'ils abordent une question qu'ils considèrent lorsqu'ils abordent des sujets qu'ils considèrent évidents et clairs et connus par la majorité, donc ils estiment que c'est pas la peine de développer. Mais pour nous autres, à notre niveau, qui est faible, il peut s'avérer donc nécessaire d'avoir des arguments pour qu'on comprenne bien la motivation du jugement. Donc, ici, je vais citer les arguments du livre et de la Sunna qui appuient donc ce jugement et prouvent que la recherche de la science est une forme de djihad fi sabilillah qui fait que l'étudiant en science et le savant, tous les gens de science, méritent la zakat, et même s'ils sont riches. Et même s'ils sont riches. قال الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Donc c'est le verset 122 de Sourate At-Tawba. Et Allah Azzawajal dit en traduction approximative du sens: les croyants n'ont pas tous à quitter leur foyer, donc pour aller combattre dans le sentier d'Allah. Les croyants n'ont pas tous à quitter leur foyer. Pourquoi de chaque clan quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde? Cheikh Ibn Uthaymeen a utilisé ce verset dans l'Iqra Bab al-Maftou. Dans l'Iqra Bab al-Maftou, comme argument donc pour démontrer que la recherche de la science équivaut au combat sur le sentier d'Allah. Et l'argumentaire est simple. Dans ce verset, Allah Azzawajal a divisé donc les gens en deux groupes. En deux groupes. Un groupe qui vont combattre dans le sentier d'Allah et un groupe donc qui reste pour étudier afin d'avertir leur peuple et les mettre en garde. Ce qui démontre donc que les deux groupes ont chacun leur importance pour la Ummah. Et Allah Azza wa Jalla a aussi dit: فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Donc c'est le verset donc 52 de Surat Al-Furqan. Et Allah Azza wa Jalla dit en traduction approximative du sens: n'obéis donc pas aux mécréants, et avec ceci, c'est-à-dire le Coran, et avec ceci, lutte contre eux vigoureusement. N'obéis donc pas aux mécréants, et avec ceci, lutte contre eux vigoureusement. Les savants ont dit donc que cette sourate est Mekkiya, c'est-à-dire que elle a été descendue quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore à Mekka. Et le djihad par l'épée ne lui avait pas encore été ordonné. Et donc, le djihad qui lui est ordonné ici, qui lui est demandé ici, c'est le djihad par la parole, les arguments et les preuves du Coran. Les preuves du Coran afin de clarifier la vérité et mettre en garde contre le faux, mettre en garde contre le polythéisme. Donc voilà. Voilà donc pourquoi ce verset est un argument montrant que la science est une forme, donc la transmission de la science, hein, la da'wa qui est basée sur la science et dont les étudiants en science et les gens de science sont les porteurs, c'est un djihad fi sabilillah. C'est un djihad fi sabilillah. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a été ordonné cette forme de djihad alors qu'il était encore à Mecca et qu'il était donc faible, qu'il n'avait pas les moyens encore de lancer le djihad par l'épée. Il lui a donc été ordonné donc de lutter contre les mécréants, hein, par le Coran, par les preuves, les arguments. Par les preuves et les arguments du Coran. Et donc, ceci démontre que il y a deux formes de djihad. Le djihad par l'épée et le djihad donc par les arguments du livre et de la sunna. Le djihad par l'épée et le djihad par les arguments du livre et de la sunna. Et cette forme de djihad donc est la forme de djihad qui est pratiquée donc par les étudiants en sciences et par les savants. Et voilà donc pourquoi ils font partie de ceux qui sont cités dans Fi Sabilillah, donc les bénéficiaires de la zakat qui sont cités dans la catégorie Fi Sabilillah. De la même manière, Allah Azza wa Jal lui a ordonné de combattre les hypocrites. De la même manière, Allah Azzawajal lui a ordonné de combattre les hypocrites. Qala Allah Azzawajal, Ya ayyuhan nabi, jahidil kuffar wal munafiqin waghlul alayhim. Ya ayyuhan nabi, jahidil kuffar wal munafiqin waghlul alayhim. Ô prophète, lutte contre les mécréants et les hypocrites et sois rude avec eux. Ô prophète, lutte contre les mécréants et les hypocrites et sois rude avec eux. Et donc, lutter contre les mécréants, c'est connu. Lutter contre les mécréants, c'est connu, mais comment on lutte contre les hypocrites, puisqu'ils sont dans nos rangs et d'apparence musulmane? Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans Zad, il dit que lutter contre les hypocrites est plus dur que lutter contre les mécréants. Lutter contre les hypocrites est plus dur que lutter contre les mécréants. C'est pour cela que donc, c'est pour cela que cette forme de djihad est réservée donc aux héritiers des prophètes. C'est pour cela que cette forme de djihad est réservée aux héritiers des prophètes et messagers, que sont les gens, que sont les gens de science. Et Ibn al-Qayyim dit même que c'est parmi les meilleures formes de djihad. C'est parmi les meilleures formes de djihad parce que ce n'est pas facile et ce n'est pas donné à tout le monde de dire la vérité et clarifier la vérité aux gens quand tu es en face d'une opposition farouche et que tu te trouves au milieu de gens dont tu es à la merci et qui sont capables de représailles à ton encontre. Comme ce fut le cas de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca. À Mecca, il leur disait la vérité, il leur mettait en garde contre le polythéisme et il les appelait au tawhid, à l'adoration d'Allah unique. Il leur mettait en garde contre le shirk et il les appelait à l'adoration d'Allah unique, alors qu'ils subissaient une farouche opposition de leur part. Et qu'il était à la merci de leurs représailles. Et qu'il était à la merci de leurs représailles. C'est pour ça donc que c'est une forme de djihad très difficile, cette forme de djihad. Parce que le djihad par l'épée, tu as en face de toi des ennemis et toi-même tu es préparé et tu as les armes pour leur faire face. Alors que le djihad par la plume et la parole, tu peux te retrouver à clarifier la vérité aux gens, au milieu de gens que, qui sont hostiles et qui ont les moyens de te persécuter, ils ont les moyens de représailles à ton encontre. Ceci s'est vu donc dans l'histoire, beaucoup de savants et de gens de science donc ont été emprisonnés et persécutés simplement parce qu'ils disaient la vérité. On peut prendre le cas de l'imam al-Bukhari par exemple, ou Ashir al-Islam, Yashir al-Islam, on peut prendre le cas de, ils sont nombreux, on peut prendre le cas de l'imam al-Bukhari par exemple. Il a été persécuté à son époque juste parce qu'il a refusé de donner des cours aux enfants du gouverneur de son époque chez lui. Juste parce qu'il a refusé de donner des cours aux enfants du gouverneur, du dirigeant de son époque chez lui. Et il lui a dit, Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Donc il lui a dit, la science ne vient pas. On vient vers la science. La science ne vient pas vers soi, on vient vers la science. Et c'était une vérité. C'était une vérité. Car venir vers les enfants, même si ce sont les enfants du gouverneur, et leur enseigner les sciences de la religion, c'est humilier la science et rabaisser la science. et ses enfants ne vont pas comprendre l'importance et la grandeur de cette science, qui est la connaissance d'Allah Azzawajal, de son messager et de sa religion, et des règles de sa religion, qui est une cause de réussite ici-bas et dans l'au-delà. Donc, même si on souhaite faire plaisir aux dirigeants, qui peut peut-être nous donner, nous faire des faveurs, nous donner des cadeaux, mais il est important qu'ils sachent que la science doit être grandie, et parce que ce n'est pas n'importe quelle science, ce n'est pas une science de la dunya, c'est la connaissance d'Allah Azzawajal, de notre Créateur, la connaissance de son messager, la connaissance de sa religion, qui est une cause qui est une cause de réussite ici-bas et d'être sauvé dans l'au-delà. Donc on doit lui accorder le statut, on doit accorder à cette science le statut qu'elle mérite. Et par ricochet, si tu accordes si tu accordes de l'importance à la science, tu vas accorder de l'importance aux gens de science. Si tu accordes de l'importance à la science, tu vas accorder de l'importance aux gens de science. Si tu ne fais pas déplacer un savant, et toi tu es tranquille chez toi, tu le fais déplacer pour venir te donner des cours. C'est toi qui dois venir avec humilité te déplacer vers les gens de science. Et on a l'exemple de Moussa, Nabi Moussa, le prophète Moussa qui fait partie des meilleurs prophètes et messagers. Hein? Le grand prophète de Banu Israël, il a voyagé pour aller prendre la science chez Al-Khadr. Parce qu'il a su que Allah Azzawajal a donné Al-Khadr, comme c'est rapporté dans Surat Al-Kahf. Il a voyagé étant prophète et messager, et pas n'importe lequel. Hein? Il a quand même voyagé, il s'est déplacé pour aller prendre la science chez quelqu'un à qui Allah Azzawajal a donné une science qu'il n'avait pas. Donc, les arguments sont nombreux pour montrer que c'est la personne qui doit aller vers la science. C'est pas la science qui vient vers lui. Et donc, c'est une erreur que certains font de prendre des maîtres qui vont venir à la maison enseigner le dîn à leurs enfants. Ça, c'est une erreur. Donc, sauf si vraiment quelque chose que tu crains en faisant partir tes enfants vers lui ou quoi, mais sinon ce sont les gens qui se déplacent vers la science, c'est pas la science qui se déplace vers les gens. Et il y a un respect et une considération à avoir envers les gens de science, parce que ce n'est pas par rapport à eux qu'on fait cela, mais c'est par considération envers le kitab et la sunna. Si tu considères le kitab et la sunna, hein? Et si c'est quelque chose de grand et d'important pour toi, eh ben tu dois grandir les gens de science et leur accorder de l'importance et leur accorder un statut spécial dans ton cœur, comme tu accordes un statut spécial au kitab et à la sunna. Donc voilà, c'est pas ricochet, c'est pas spécialement par rapport à leur personne à eux, c'est par rapport à ce qu'ils portent. C'est par rapport à ce qu'il porte, par rapport à ce qu'il représente, par rapport à ce qu'il porte, qui est la religion. Ce sont les porteurs du dîn, les gardiens de la charia, de la législation islamique, et voilà, par rapport à ce qu'il représente. Donc, on leur doit un immense respect on ne doit pas les rabaisser et manquer d'égard à leur statut. Donc c'est une forme de rabaissement de dire à un imam de sa stature comme El Bukhari, lui dire qu'il doit venir donner des cours à ton enfant, même si tu es le dirigeant. C'est un manque de respect, non seulement à son encontre, mais un manque de respect envers le kitab et la sunna dont il est le porteur. Donc tout ceci démontre que la science et la transmission de la science sont réellement une forme de djihad fi sabilillah. Et certains savants, même comme Cheikh Ibn Taymiyyah, voient même que cela a un profit, que la science a un profit et un bénéfice plus important pour la Ummah que le combat par l'épée. Que le combat par l'épée. Et il a pris l'exemple de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Hein? Il a pris l'exemple de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah par rapport à l'importance que Cheikh al-Islam, les livres de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ont eu pour cette Ummah. Il disait donc qu'on peut, on peut prendre un grand nombre de martyrs qui sont tombés dans le combat fi sabilillah et on va se rendre compte que le profit pour la Ummah de leur sacrifice est moindre que le profit des livres de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, que le profit que les livres de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ont apporté à cette Ummah. Ceci car l'intérêt et le bénéfice du combat peut se limiter seulement à une période précise, dans un espace précis, alors que le bénéfice de la science peut s'étendre sur toute la terre et pour des siècles et des siècles. Et si tout ceci ne suffisait pas comme argument pour démontrer que l'étudiant en sciences mérite d'être dans la catégorie de ceux qui sont fils abilillah, hein, dans la catégorie des combattants fils abilillah, on pourrait aussi donc citer le hadith de Anas ibn Malik, le hadith de Anas ibn Malik radiallahu anhu, dans lequel il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man kharaja fi talab al-ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Man kharaja fi talab al-ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Donc celui qui sort à la recherche de la science, il est dans le sentier d'Allah jusqu'à ce qu'il revienne. Celui qui sort à la recherche de la science, il est dans le sentier d'Allah jusqu'à ce qu'il revienne. C'est rapporté par At-Tirmidhi et c'est authentifié par l'imam Al-Albani. Donc, au vu de tout ceci, donc, on arrive à la conclusion que les gens de science, étudiants et savants, sont des ayants droit de la zakat. Et ceci, même s'ils sont riches. Car ils rentrent dans la catégorie de ceux qui sont au service des musulmans. Et la règle chez les gens de science est que tous ceux qui touchent la zakat et dont les actes sont au service et pour l'intérêt, dont les actes sont au service et pour l'intérêt des musulmans, on leur donne la zakat, même s'ils sont riches. C'est la règle. Je répète donc, la règle chez les gens de science est que tous ceux qui touchent la zakat et dont les actes sont au service et pour l'intérêt des musulmans, on leur donne la zakat, même s'ils sont riches. C'est donc le cas du combattant fi sabilillah. Hein, même s'il est riche, on lui donne la zakat parce que son combat fi sabilillah, c'est dans l'intérêt des musulmans. Et les employés de la zakat, al-amilina alayha, comme c'est dans la aya, dans le verset, donc les employés de la zakat, ils travaillent pour l'intérêt des musulmans. Donc, pour le bénéfice des musulmans. Donc, on leur verse leur salaire, même s'ils sont riches. Et celui qui est endetté, les islah bayna nas, celui qui est endetté, il s'est endetté donc pour faire la paix entre les gens. Celui-là donc, on lui donne de la zakat parce que c'est dans l'intérêt, il s'est endetté dans l'intérêt donc des musulmans. et ce dont leur cœur sont à gagner. Donc, aussi, on leur donne parce que c'est dans l'intérêt des musulmans. Comme on l'a vu, les gens, par exemple, qui sont à la frontière avec les ennemis, les gens qui résident à la frontière avec les ennemis, par exemple, même s'ils sont riches, on leur donne parce que c'est pour les raffermir. C'est dans l'intérêt des musulmans qu'ils soient raffermis et que, donc, lorsque peut-être l'ennemi veut s'attaquer aux musulmans, donc qu'ils soient le premier rempart, qu'ils soient le premier rempart contre l'ennemi, et donc qu'ils ne soient pas donc la cause que l'ennemi puisse faire une percée rapide donc à l'intérieur du pays. Donc on leur donne à cela, et comme on a vu aussi le cas de celui qui, par exemple, est une personne respectée, une personne d'autorité dans son peuple, et qui à travers qui peut nous permettre de collecter la zakat, hein, que les gens respectent et que les gens craignent dans son peuple, de sorte que lui, il peut même collecter la zakat pour pour le gouverneur. Hein, il peut se charger de cela, donc on lui donne, même s'il est riche, on lui donne parce que on veut gagner son cœur et on veut gagner sa fidélité donc à l'État musulman. Donc voilà, c'est pour ça donc que on donne donc aussi au talib al-ilm parce que il est quelqu'un qui est à travers sa science. Hein, aux savants et aux talib al-ilm, parce qu'ils sont donc des gens qui, à travers leur science, travaillent pour la communauté. Parce qu'ils orientent les gens vers le bien, ils mettent en garde contre le mal et ils leur clarifient ce qui peut être confus et ambigu parmi les règles de la législation islamique. Précision importante aussi ici, c'est que si la personne, par exemple, peut toucher pour plusieurs causes, par exemple, il peut toucher comme étant endetté, hein, il peut toucher comme étant endetté et il peut toucher comme étant pauvre. Dans ce cas-là, notre cher Abdelhamid Hafizahullah, dans son commentaire de Bolour, il dit que il est mieux, si c'est possible, de lui donner une fois pour les deux raisons. Donc ça veut dire que si on a les moyens, on paye sa dette et on règle sa dette et on lui donne donc ce qui lui suffit pour combler ses besoins pour une durée d'un an. Donc, on ne va pas dire que non, on règle juste sa dette, on rembourse sa dette et on verra après où quelqu'un d'autre lui donnera par rapport à ses besoins. Donc, si on a la possibilité, hein, on règle ça d'un coup et ça devient comme si c'était une seule cause. Ça devient comme si c'était une seule cause. Donc, on règle ça une fois. Donc on règle sa dette et on lui donne le montant suffisant pour subvenir à ses besoins pour une durée d'un an. Donc c'est l'avis de notre cher Abdelhamid Hafizahullah dans son commentaire de Bulugh al-Maram. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on continuera donc inchallah prochainement pour terminer donc les terminer par rapport à ceux à qui il est interdit de verser la zakat, à ceux qui ne sont pas, donc pour préciser donc ceux qui ne sont pas les bénéficiaires de la zakat. Subhanak Allahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.